Bonjour et bienvenue à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio, je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine, ben, on se fait un petit récapitulatif des capsules CNX présentées dans Assemblage Requis qui est présenté du lundi au jeudi de 15h à 17h. Cette semaine, c'est un récapitulatif des chroniques de la semaine du 7 au 10 septembre avec Jeux pour le bureau, GoGo Gadget et Le Fil, tout ça en plus des nouveautés en magasin et de musique de jeux vidéo. On commence par la chronique de mardi, mais avant ça, voici le Roi Poisson. Et Chien Galeux, c'est sur le palmarès francophone de C'est Fou. Et c'est très bon, alors écoutons-le. C'est pour ça qu'on le joue. Parce que c'est bon. Vous êtes à CNX.zip. Le Roi Poisson et la pièce Chien Galeux, ça vient du palmarès francophone de C'est Fou. Palmarès qui est diffusé un petit peu partout ici à C'est Fou, mais il y a une émission qui s'appelle Les Palmarès C'est Fou. C'est le vendredi soir à 17h. Vous êtes à CNX.zip, émission qui compresse dans un seul et unique fichier les chroniques CNX diffusées dans l'assemblage requis lundi au jeudi à 15h. On commence avec la chronique de mardi parce qu'il n'y en a pas eu lundi dernier, c'était la fête du travail. Et la chronique de mardi, c'est Jeux pour le bureau. Mardi. Que connais-tu de vrai, les deux fers plombiers, héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers, quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. C'est l'émission de Mario des années 80. Ça te rappelle rien, hein? Non, ça ne me disait rien, mais je vais m'en souvenir à l'avenir. Bref, ce que cette musique veut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, on parle de jeux gratuits pour le bureau, donc des jeux que vous allez pouvoir utiliser quand votre patron n'est pas dans le coin. Dans une autre pièce. C'est spécifié pour le bureau, là. C'est vraiment juste pour le bureau. OK. C'est pour ça. Non, c'est vrai que c'est des jeux qu'on peut jouer en ligne sans avoir à télécharger ou avoir une clé USB ou un CD ou n'importe quoi. C'est juste sur Internet. C'est le fun comme ça. On commence avec On the Edge, qui est un nouveau puzzle de YZI Games. Concept vraiment simple. Vous avez sûrement vu le concept ailleurs, mais celui-là est très, très bien réalisé. On a une planche de tuiles blanches et des fois noires. Et là, t'as un gros cube rouge et tu dois basculer le cube avec les flèches de ton clavier dans le bon sens. C'est vraiment dans un univers 3D, donc tu fais bouger le bloc pour que les tuiles blanches disparaissent. Et si elles sont noires, il faut passer deux fois dessus. Donc des fois, ça devient assez compliqué quand t'as des trous puis des drôles de formes. Tout ça pour te rendre au but qui est un autre petit carré rouge. Donc tu fais aller ton bloc, tu détruis des blocs, tu repasses dessus. Tu finis, puis à un moment donné, t'as bien du plaisir. En tout cas, moi, j'ai passé pas mal de niveaux. Et puis, disons que ça commence très, très vite à être difficile, même que... Je dirais, à partir du cinquième niveau, faut que tu te mettes à penser pas mal longtemps. Penser, là. Vraiment réfléchir dans quel sens ça allait. Ah, et quand t'as une tuile à deux côtés, hein, pas évident. Pas évident du tout. Ça s'appelle On the Edge, et c'est disponible sur assemblagerequis.com. Cliquez sur le lien. Et c'est simple, c'est en bas de la page. Play On the Edge. J'aime beaucoup ce jeu-là. Très, très bien. Le prochain s'appelle CV Balls. Assez bizarre, c'est la deuxième partie. Il y en a une première aussi, CV Balls tout court. Ils appellent ça un fuzzle. Peu importe ce que ça veut dire, on s'en fout un peu. Mais le but de la chose, c'est qu'il y a des balles attachées sur le tableau et tu dois trancher des chaînes avec une épée. Okay? Donc, les chaînes sont pendues sur le décor. Il y a une boule rouge ou une boule verte dessus. Et là, tu dois hacher la chaîne pour faire tomber la boule. Et là, il y a des réactions vraiment physiques. Donc, s'il y a une côte, la boule va suivre la côte. Si la boule rebondit sur l'autre boule, ben, elle va faire tasser la boule. Puis là, il faut les faire arriver dans des urnes qui sont en bas du tableau. Ça devient vraiment ça, après peut-être même 2-3 niveaux, ça commence déjà à être difficile. Il faut vraiment penser à basculer les chaînes. Parce que si tu tranches, mettons que la boule est attachée par deux chaînes en même temps, t'en tranches une, là, elle se met à basculer. Puis à un moment donné, quand elle est en train de basculer par la droite, tu la haches, ça rebondit sur une autre, qui rebondit sur une autre, qui descend la côte, qui s'en va dans la urne. C'est compliqué, c'est CV Balls 2, mais c'est très très fun. Ok. Vraiment compliqué. Sinon, le prochain s'appelle This is the only level. Ceci est le seul niveau. La raison pour laquelle ça s'appelle comme ça, c'est que c'est un seul niveau, mais plein de fois. C'est quand même cohérent. Là. Quand même, hein, c'est pas si pire. Tu revis tout le temps le même niveau, c'est comme un déjà vu, excepté que les couleurs changent, mais rien d'autre change. Les mêmes pics aux mêmes endroits, les mêmes trous, les mêmes plateformes, les mêmes boutons, la même porte à la fin. Et c'est vraiment, tu contrôles un petit éléphant, un éléphant. OK, mais c'est quoi l'intérêt de le faire plusieurs fois? Exactement, exactement. C'est ça qui est intéressant parce que le niveau a une petite particularité à chaque fois, même si c'est toujours le niveau 1. Par exemple, tu commences, tu le fais normalement, bon, tu vois que finalement, tu peux pas rentrer dans le tuyau, faut que tu payes sur le bouton. Ça, c'est le tableau 1, tu payes sur le bouton, ça va dans la porte. Deuxième affaire, deuxième niveau, soudainement, tes flèches sont inversées. La gauche et la droite et la gauche. Tu sais? Fait que là, il faut que tu réussisses à faire le niveau comme ça. L'autre fois, finalement, quand tu appuies sur le bouton, ça met une porte devant ton tuyau, fait que tu peux plus passer. Fait que là, tu te rends compte que le troisième niveau, mettons, c'est qu'il faut pas que tu appuies sur le bouton. Tu sais, il y a plein de petites particularités comme ça. À un moment donné, moi, j'ai été pogné par, je me rappelle pas si c'est le quatrième ou cinquième niveau, mais tu peux plus bouger. Tu sais, tu peux plus bouger du tout, fait qu'il faut que tu trouves d'autres boutons. Il y a comme une façon alternative, puis il donne tout le temps un petit indice en bas de l'écran pour te dire contrôle alternatif. Genre, trouve une autre façon que les flèches pour bouger. C'est ce genre de choses. Il y a tout le temps une belle petite particularité. C'est original. Ça s'appelle This is the only level. Prochain, celui-là est plutôt particulier dans sa façon de le contrôler. Tu contrôles un vélo, mais dessiné sur une genre de feuille de plan schématique. Tu sais, quand tu vois une bâtisse dessinée, puis qu'il y a vraiment marqué, bon, je sais pas, figure 8, figure 1, figure 2, mettons dans un livre médical, un livre de comment réparer quelque chose, c'est des schémas, c'est des dessins. Donc, t'es un vélo que tu vois de haut, et là, avec les flèches, tu contrôles le chavirement du vélo, c'est de quel côté tu te penches pour avancer. Puis là, tu peux avancer plus vite et moins vite avec les flèches d'en haut et en bas. Et là, tu dois, c'est vraiment comme ce qui est à l'écran fait partie du jeu, même si c'est du dessin. Fait que des fois, tu vas voir genre figure 8 avec un moteur à côté. Ben, si tu fonces dedans, puis ton vélo tombe. Fait que tu sais, c'est ça qui devient le jeu. C'est vraiment juste de se rendre au but, à la fin, tout en contournant de plus en plus d'affaires. Il va y avoir des roches à un moment donné qui vont te dessiner plein de lignes bizarres. Tu dois les contourner, puis pas foncer dedans. Puis là, t'as des petits ronds qui clignotent pour te faire sauvegarder, pour que tu reviennes pas au début. Et puis, pour sauvegarder, c'est pas passer à travers. C'est faire un rond autour avec ton vélo, tu sais. Fait que le contrôle devient assez compliqué des fois. Ça s'appelle Figure 8. Est-ce qu'il faut savoir faire du vélo pour jouer à ce jeu-là? Non, et même okay. Si vous avez jamais joué, ça va revenir comme faire du vélo. Ah, OK, c'est bon. Genre... Non. Le prochain est Nudge, un autre concept qu'on a déjà vu très, très souvent sur différentes consoles, sur différents jeux en ligne aussi. Mais par contre, la petite différence, c'est le look et qu'est-ce que tu contrôles. Dans le fond, ce que c'est que tu es une petite bestiole, une genre de bulle. Et puis là, tu te promènes dans un tableau qui est divisé en carrés, un peu comme sur la NES. Là, tout était vraiment des carrés. Là. C'était pas en 3D, c'était vraiment des carrés. Fait que là, tu te promènes de carré en carré en poussant des affaires, en poussant des blocs pour réussir à amener le bloc qui a un ballon dessus sur un bloc qui est marqué. Tu sais, il y a un petit trou, faut que tu te rendes là avec ton ballon. Mais entre-temps, il y a des ennemis, tu sais, il y a des boules avec des pics, il y a des affaires qui bougent, des blocs qui bougent, puis là, faut que tu passes entre les deux ou que tu trouves une façon de te rendre jusqu'à ton but avec ton ballon en le poussant carré par carré. Donc, c'est vraiment à droite une fois, en bas une fois, puis tu sais, tu peux pas varier, là. C'est vraiment la formule carré. Ça s'appelle Nudge. J'ai bien aimé, il y a 40 niveaux. Vraiment, une bonne partie d'après-midi à passer là-dessus, je pense, Nudge. Et puis, je vous en ai laissé quelques autres sur assemblagerequis.com, dont un jeu qui est fascinant par son titre, Graphics Are Everything. C'est un nom ironique pour dire que les graphiques sont absolument nuls dans ce jeu-là. Mais tu contrôles une balle que tu dois lancer de façon physique. Encore une fois, donc tu prends ta souris, tu lances le ballon, et puis là, ben, la distance que tu as fait avec ta souris va déterminer le bond, c'est la durée du bond. Et puis là, il faut que tu frappes tous les triangles sur l'écran, tout en évitant ceux qui ont un X dessus. Puis quand il y a des carrés avec un rond autour, des fois, il faut que tu passes dans le rond sans toucher au carré. Tu sais, tu lances ta balle qui est sur un plancher. Tu la lances, il ne faut pas qu'elle touche au carré, mais il faut qu'elle touche au rond qui est autour du carré. Tu comprends? Je suis pas sûr que je comprends, mais... En tout cas, je te l'expliquerai, là. Ouais, mais allez voir assemblagerequis.com. Disons que, c'est cool. Balle avec rond. OK. Puis le reste, ben là, pour vrai, je vous les laisse sur assemblagerequis.com. Il y a Ball Toucher, encore assez douteux avec son nom. Mellow Ball, une autre affaire. Et l'autre, c'est quoi? C'est Stimmergy. Bref, tous les liens sont sur assemblagerequis.com. Cliquez là pour vous amuser. Combien tu penses de jeux de balles peuvent être créés à chaque semaine sur Internet? Je sais pas. Faudrait piger une balle dans un panier pour avoir le chiffre. À la loto. Avec la petite barre en dessous. Très bon, très bon. Des jeux avec des balles. Le monde aime ça, toucher à des balles, je pense. C'est universel. C'était la chronique de mardi. C'est Elix. L'émission la plus geek de la radio se continue ici en formule.z pour on compresse toutes les chroniques d'Assemblage requis qui est diffusée du lundi au jeudi de 15h à 17h. Donc ça, c'était la chronique du mardi, jeu pour le bureau. Tantôt, il va y avoir celle du mercredi, Go Gadget, et celle du jeudi, c'est le fil avec des nouvelles geeks. Mais avant ça, je regarde ici et je me dis qu'on pourrait parler un peu de jeux vidéo les plus vendus sur Amazon.com en ce moment même. On parle de consoles et de jeux mélangés. En cinquième position, c'est la PlayStation 320 Gig de Sony. En quatrième, le DualShock 3 Wireless Controller aussi pour la PlayStation 3. En troisième place, ça monte pas mal. C'est la Wii Motion Plus de Nintendo pour la Nintendo Wii. En deuxième, ça monte encore une fois Wii Sports Resort de Nintendo sur la Nintendo Wii. Et en première place, ça fait 108 jours que c'est dans le top 100, mais le jeu sort le 22 septembre. C'est Halo 3 ODST par Microsoft pour la Xbox 360. Ça coûte $60 en ce moment sur Amazon. Pas cher, hein? OK. Bon, donc tantôt Go Gadget, mais pour l'instant, ça va entendre un petit peu de chiptune parce que de la musique créée à partir de jeux vidéo ou inspirée par les jeux vidéo, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans la vie. On va laisser entendre une petite pièce très très courte. Voici Doom Waffle et Super Go KK Rider. C'est une pièce qui ressemble... En fait, premièrement, c'est une pièce qui vient de Animal Crossing, une des pièces de KK Slider dans ce jeu-là, pour ceux qui connaissent, mais refait à la manière un petit peu Mega Man. Vous êtes à CNX.zip.

et pour savoir comment vous procurer ça. En fait, je pense pas que vous puissiez vous le procurer en ce moment, c'est un concept, mais ça va venir, c'est certain. Oui, fait que là, un jour, on va voir du monde qui se promène avec leurs mains comme ça, puis leurs doigts, ben, ils vont vraiment parler au téléphone, je trouve ça super drôle. Déjà que les gens ont l'air super épais juste avec un Bluetooth à l'épicerie, c'est parce que, tu sais, tu peux l'enlever aussi, mais ils vont parler dans leurs mains, tu sais, c'est drôle. La compagnie Daon a annoncé que l'entreprise allait présenter le Biologic Free Charge à une exposition qui s'appelle l'Eurobike dans le mois de septembre. C'est un dispositif qui permet de recharger n'importe quel type de petit appareil numérique en les connectant à une dynamo installée sur une bicyclette qui était en génératrice de courant. L'utilisateur va pouvoir recharger les batteries de son iPod ou n'importe quel autre appareil en le connectant au Biologic Free Charge par port USB. Lorsque le cycliste va pédaler, le dynamo installé sur la bicyclette va produire de l'énergie. Le dispositif doit servir d'intermédiaire entre le moyeu de la dynamo et l'appareil électronique pour protéger ce dernier. Génial. Wow, cool. Le prix, ça dit qu'il va être... Ils prévoient intégrer le Biologic Free Charge à deux modèles de bicyclette. Il va être aussi vendu séparément en mars 2010 pour environ 108 $ canadiens. Pas si pire. Ouais. C'est nouveau, là, fait que c'est cher un peu, mais si ça devient populaire, ça va être moins cher un jour. Comme les Blu-ray, comme toutes les technologies. Comme tout, voilà, ouais. Non, mais il était temps que ça arrive, par exemple. C'est tout à fait logique. Et sur assemblagerequis.com, je vais vous avoir laissé d'autres petits liens. Par exemple, des billes, ça s'appelle les Buckyballs. On voit ça sur Internet depuis quelques mois, mais là, vous pouvez les acheter. C'est comme un genre de jouet avec des billes qui collent ensemble et tu peux faire des formes avec, mais ça a l'air vraiment bizarre. Allez voir la vidéo, c'est dur à expliquer à la radio, mais c'est des billes qui peuvent coller ensemble dans différentes formes. C'est spécial. C'était la chronique du mercredi de CNX présentée dans l'assemblage requis du lundi au jeudi à 15h. Et vous êtes à CNX.zip, donc on rassemble en un seul fichier, on compresse tout ça en une heure de chronique CNX. Quand même le fun, ça. Moi, je trouve que c'est un bon petit moment. Les Buckyballs, hein, dont je parlais il y a quelques secondes, dans le temps... C'était pas pour quelques secondes. Mais bon. Allez voir sur Internet pour vrai, assemblagerequis.com. Le lien est là, les billes, c'est vraiment génial. Ça. En tout cas, je peux pas vous l'expliquer 15 fois non plus, mais il faut que vous y alliez. C'est un peu le résumé de la chose. Hein? Bon, donc, tantôt, on va voir la chronique du jeudi. C'est celle qui s'appelle Le Fil, donc les nouvelles technologiques et geeks de la semaine. Mais avant ça, quelques petites business à faire, business. Les nouveautés en magasin pour la semaine du 13 septembre 2009. Regardons cela. On commence par Batman Arkham Asylum qui sort enfin sur PC 15 septembre. C'est la date, c'est demain. Le score de GameSpot est 9.0. C'est un choix de l'éditeur, donc c'est un très bon jeu, selon bien les gens. Need for Speed Shift sort sur Xbox, PSP, PC et PlayStation 3. La franchise est de retour avec une autre simulation de course. Red Faction Guerrilla sort sur PC, c'est un shooter. Wet sur Xbox 360 et PlayStation 3, c'est un jeu d'action. Un Marvel Ultimate Alliance 2 sort sur pas mal tout, le Xbox 360, PS3, Wii, DS, PS2 et PSP. C'est un jeu de rôle. Scribblenauts sort sur DS. Je croyais que c'était déjà sorti, ce n'était pas encore demain. Wow, ça, il faut vraiment jouer à ça. C'est le jeu où vous pouvez écrire n'importe quel mot à l'écran et puis en anglais. Je sais pas si en français aussi, je pense, j'ai vu une vidéo de ça en français, mais bref. Vous tapez un mot, vous l'écrivez sur la DS et puis ça le reproduit dans le jeu. Il y a comme des milliers de mots. Essayez d'en trouver qui ne sont pas là. Et ça devrait être difficile. Mario & Luigi Bowser's Inside Story sort sur DS, c'est un jeu de rôle. Time of Shadows sort sur PC, un autre jeu de rôle. Resident Evil 5 sort sur PC, enfin, c'est un jeu d'action-aventure. La nouvelle version de NHL 10 sur Xbox 360 et PlayStation 3, c'est du hockey, évidemment. Sur DS, Naruto Shippuden Ninja Destiny 2, c'est un jeu de combat. Cloudy with a Chance of Meatballs, basé sur le film et plus les hamburgers, sur Xbox, PSP, Wii, DS, PC et PS3. Il n'en reste que 3. Majesty 2, The Fantasy Kingdom Sim sur PC, c'est un jeu de stratégie. Toy Story Mania sur la Wii, c'est un jeu de party. Et finalement, Heroes Over Europe sur Xbox 360 et PlayStation 3, c'est un simulateur de combat. Voici, voilà. Pour les nouveautés en magasin pour la semaine du 13 septembre 2009. Continuons en musique avec Mille Monarques, voici Rouge et au retour de la pause, la chronique du jeudi à CNX.zip. Vous êtes au 89.1 FM, c'est fou dans ta tête, man! Yeah.

Une étude anglaise semble démontrer que des activités comme mettre son statut à jour justement sur Facebook ou d'y rester en contact avec ses amis, de résoudre des sudokus ou de jouer à des jeux vidéo impliquant de la stratégie et de la planification auraient des effets positifs sur un élément clé de l'intelligence assurant la réussite sociale d'un individu. Ces activités seraient bénéfiques pour la mémoire de travail, la working memory, en ayant des effets stimulateurs. Ce type de mémoire implique à la fois l'habileté de se rappeler d'une information et la capacité de s'en servir ultérieurement. Quand même. Par contre, envoyer des mini-messages sur Twitter ou visionner des vidéos sur YouTube aurait l'effet contraire. D'après une chercheure associée à l'Université de Stirling en Écosse, cette dernière expliquait que ce serait le caractère instantané de l'envoi des messages qui aurait des effets nuisibles sur la mémoire de travail. Donc là, c'est sûr que cette étude-là va être citée maintenant par tous ceux qui vont se faire dire « Arrête d'aller sur Facebook, tout ça. » Puis ça devient finalement un genre de jurisprudence, une étude qui dit que c'est bon pour le cerveau d'aller mettre son statut à jour. Et voilà. Tu vois qu'il parle pas de MySpace, par contre, donc t'es un petit peu out là-dedans. N'importe quoi. Et on va terminer rapidement là-dessus. La chaîne Musique Plus invite les fanatiques de jeux vidéo, particulièrement de Rock Band, à démontrer leur talent et leur endurance au cours d'un marathon Rock Band Musique Plus qui sera présenté en ondes à compter du 22 septembre. Je vous invite à aller lire l'article sur assemblagerockey.com. Ouais, donc c'est ça. S'ils vont faire un genre de bed-in de Rock Band dans la vitrine de Musique Plus, c'est ça? Incroyable, ouais. Les musiciens virtuels à compter de mercredi soir, 19h, ils peuvent remplir maintenant un formulaire pour envoyer une vidéo démontrant leur habileté. Quatre groupes de quatre personnes vont être formés et chaque groupe va devoir jouer le plus longtemps possible dans la vitrine de Musique Plus. Leur prestation va être diffusée sur Internet 24 heures par jour et au cours de l'émission L'Univers Musique Plus. Et à la fin, les musiciens vont devoir s'exécuter pendant 3 heures pour gagner le plus de points possible lors d'une édition spéciale de l'émission. Il va y avoir plusieurs prix. Wow! Allez voir musiqueplus.com ou passez par le lien sur assemblagerequis.com. C'était la chronique de jeudi, le fil avec les nouvelles geeks à l'intérieur là. Sur assemblagerequis.com, il y a non seulement les liens qu'on a mentionnés pendant l'émission, pendant la chronique, mais en plus d'autres choses ajoutées que j'ai pas eu le temps de faire. Sur assemblagerequis.com, cliquez sur cnx.zip, c'est en haut de la page, c'est là-dessus. L'émission est déjà presque terminée. Faisons un petit tour de ce qui s'est passé dans le passé. On appelle ça « Cette semaine dans l'histoire ». En 1966, le 8 septembre, Star Trek, la série de télé-science-fiction, a été créée par Gene Roddenberry. Ça se passait au 23e siècle et le Star Trek original suivait les aventures du Starship Enterprise et son équipe menée par le capitaine James T. Kirk ou William Shatner. Star Trek n'a pas été un succès immédiat, mais... a été diffusé seulement pendant 3 saisons au départ, un total de 79 épisodes. Plusieurs technologies montrées dans la série, dont le tricorder et le personal communicator, ont influencé une génération de technologues qui travaillent sur des systèmes de communication portables et d'ordinateurs, etc. Le dernier épisode a été diffusé le 2 septembre 69. Le 9 septembre 1945, premier vrai bug d'ordinateur a été trouvé. À 15h45, Grace Murray Hopper a enregistré le premier bug d'ordinateur dans son carnet de bord. Elle travaillait sur le Harvard Mark II. Le problème a été retracé. C'était un moustique, un insecte qui était pris entre un relais de la machine ou quelque chose du genre. Donc Hopper est allé directement écrire ça dans son petit carnet avec l'explication et je cite « Premier vrai... pas premier vrai, ça. Il n'y a pas de faux avant ça. Premier bug d'ordinateur trouvé dans l'ordinateur. Un bug, c'est le mot en anglais pour un insecte. Hein. » 12 septembre 1958, Jack Kilby a réussi à tester le premier circuit intégré chez Texas Instruments pour prouver que les résisteurs et les capaciteurs pouvaient exister sur le même matériau semi-conducteur. C'est quand même assez geek comme référence. Et en 1983, le 13 septembre, Osborne Computer a déclaré forfait, où ils ont fait faillite. 2 ans après avoir produit le premier ordinateur portable du monde, le Osborne 1, qui pesait 24 livres, ça a été fabriqué ou designé, on pourrait dire peut-être, par le fondateur de la compagnie, Adam Osborne. Cette machine-là coûtait 1 795 $ et avait un logiciel à l'intérieur, incluait des logiciels qui valaient 1 500 $. La machine avait un affichage de 5 pouces, 64 kilooctets de mémoire, un modem et 2 lecteurs de disquettes à 5 pouces et Kaur. Hein? Voilà. On va retourner en musique rapidement et puis la conclusion s'en vient. Voici Damien Robitaille et Homme Autonome à CNX.zip, c'est fou, 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. «